donc un peu les filles. Allez, vous arrêtez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z qui officie le mercredi soir, pratiquement tous les mercredis soirs, de 22h jusqu'à minuit. Je suis très heureux de vous accueillir au sein de l'émission Johnny de A à Z sur RIG90.7 de la bande FM, RIGFM.fr. Aujourd'hui, je vous ai préparé un album de la semaine qui est l'album Génération Perdue, qui est le 8e album studio de Johnny Hallyday, sorti en 1966, exactement le 19 octobre 1966. Et si Génération Perdue et a été enregistré il y a plus de, on va dire maintenant 60 ans, presque 60 ans, hein, celui-ci évoque encore quelque chose de fort à nos oreilles. C'est parce que cet album a su être à l'écoute tout à la fois des tourments de l'interprète et ceux de son public. Le 22 août 1966, Johnny Hallyday s'installe à Londres avec pour objectif d'enregistrer un nouvel album, le véritable disque qui scellera son retour. Car depuis un an, depuis qu'il a repris son métier de rocker, après en avoir terminé avec le service militaire, les choses n'empruntent pas exactement le cours qu'il aimerait leur voir prendre. Revers professionnel, déboires de toute nature, Johnny ne va pas bien en cet été 1966. Et l'été 66 voit la naissance de David. Ce 14 août, Johnny est loin de sa famille, mais surtout loin de lui-même, perdu dans un flot d'interrogations que vont capter ces auteurs qui seront l'essence même de la génération perdue. Et à la fin du mois d'août, le rocker rallie Londres. Il est temps d'attaquer l'enregistrement de ce fameux album qu'il n'a peut-être pas la force morale de graver et qui sera pourtant celui de sa renaissance. C'est dans ce climat oppressant qu'il enregistre Noir c'est Noir, la version de Black is Black hit du groupe Los Bravos et La Génération Perdue, avec sa mélodie en boucle, sa guitare sèche au premier plan et ses violons en fond sonore qui viennent épauler le propos en lui donnant encore plus de poids. C'est ce titre que je vous propose d'écouter tout de suite en ouverture de cette émission. Bonne écoute et bonne émission à toutes et à tous. Les mains tendues, tu réclames ta liberté. À ton père qui ne peut pas et ne veut pas comprendre. Son établi à marteau en main toute ta vie. Samedi soir, la sortie est obligatoire et s'arrête au cinéma. Et dans l'effroi, moment de l'incertitude, au plus profond de ta solitude, derrière les murs de la compréhension, un espoir rempli de passion. Tu prendras l'avenir comme il te viendra. Si tu veux, il sera pour toi. Au silence de la nuit. vérité. Ta génération en veut à la terre entière. Le long des routes, ils ne trouvent que la misère. Mais tes doigts sont en or et sur ta guitare, tu joueras pour sortir du noir. Devant les lumières de la célébrité, tu pourras faire briller le nom que ton père t'a donné. Que ton père t'a donné. Oui, que ton père t'a donné. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Tu oublieras mon nom. Et c'est très bien comme ça, je le sais, ne dis pas non. Tu oublieras mon nom, le temps est là pour ça, et tu auras bien raison. Bien sûr, aujourd'hui tu dis non, tu ne jures que par moi. Pour la vie, un seul garçon, et pourtant tu verras. Tu oublieras mon nom, et c'est très bien comme ça. Ne dis pas non. Tu oublieras mon nom. Le temps est là pour ça. Et tu auras bien raison. Je sais tu souffriras longtemps. On n'oublie pas comme ça. Tu devras serrer les dents. Mais un jour tu verras. Hey! C'est très bien comme ça, je le sais, ne dis pas non. Tu oublieras mon nom, le temps est là pour ça, et tu auras bien raison. Ouais, tu oublieras mon nom, et c'est très bien comme ça, je le sais, ne dis pas non. Au cours de cette émission spéciale, l'album Génération Perdue, nous allons parcourir l'année 1966, l'année de parution de l'album La Génération Perdue. Et là, nous sommes actuellement le mercredi 5 janvier 1966. L'actualité du chanteur est très chargée. Au Bilboquet, il met au point le spectacle de sa prochaine tournée mondiale. Son nouveau groupe, dirigé par Eddie Vartan, s'appelle les Blackbirds, avec un U pour que les non-anglophones le prononcent correctement. Il est composé de Mickey Jones à la guitare solo, Gérard Fournier dit Papillon à la basse, ex-musicien des Lionceaux et futur membre des Triangles. Tommy Brown à la batterie, Gérard Pisani au saxo, Gilbert Delanez au saxo baryton et Gilles Pellegrini à la trompette. Enfin, Raymond Donez au clavier et harmonica et Jean Tauzan au saxo demeurent fidèles au poste. Le même jour sort un nouveau 45 tours qui réunit trois titres extraits de l'album Johnny chante Hallyday. Le diable pardonne, une des rares chansons humoristiques de son répertoire, citée l'année suivante par Louis Aragon dans son roman Blanche ou l'oubli. Toi qui t'en vas, et Tu oublieras mon nom, le titre qu'on vient d'écouter à l'instant. Et la reprise aussi de Pour nos joies et pour nos peines, de l'album Alléluia, comme second titre locomotive du disque, ne fera guère décoller les ventes. La traversée du désert se poursuit. Et du mardi 8 au vendredi 11 février, enregistrement entre Paris et Londres du prochain 45 tours jusqu'à minuit, In the Midnight Hour de Wilson Pickett, de Maintenant ou Jamais, If You Gotta Go, Go Now de Bob Dylan, sont mis en boîte au studio Blanqui. Je l'aime, Girl des Beatles, est gravé au studio Philips de Londres avec Arthur Greenslade et son orchestre. Mercredi 23 février, parution du nouveau 45 tours aux trois titres enregistrés du 8 au 11 février, s'ajoute le titre Ne crois pas ça, extrait de l'album Johnny chante Hallyday, Je l'aime, et jusqu'à minuit, l'un des points forts des prochains shows. Et ces titres-là replacent Johnny sur les rails du succès. On va écouter justement deux titres, Jusqu'à minuit et N'y crois pas. « Je t'attendrai là jusqu'à minuit, mais sûrement pas toute ma vie. Je t'attendrai là jusqu'à minuit, au maximum, mais après tant pis. Et les secondes font la ronde quand j'attends, c'est long jusqu'à minuit. Oh oui, jusqu'à minuit. Je t'attendrai là jusqu'à minuit, au rendez-vous déjà je suis, devant le barman abruti qui me raconte toujours sa vie. Minuit sonne, il me donne un petit mot où je lis que tout est fini. Oh oui, que tout est fini. Ah oui, c'est bien fini. Ne m'attends pas là jusqu'à minuit, je n'ai pas rêvé, non c'est bien écrit. Ne m'en veux pas, je t'en prie Johnny, faut-il que j'en pleure ou que j'en ris, mais que tout soit fini. Oh oui, oui c'est bien fini. Ah, ah, ah, oh oui c'est bien écrit. Oh oui, ah c'est bien écrit. Oh oui. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah. Oh oui. Ah oui, c'est bien fini. Oh oui, oui c'est bien écrit. Oh oui, c'est bien fini. Waouh, oui c'est bien fini. N'y crois pas. Son chagrin ne la quitte pas. Johnny Hallyday n'y croit pas. En début mars, la tournée mondiale de Johnny démarre en Turquie où Sylvie Vartan l'accompagne. Et je vais vous faire écouter d'ici quelques secondes Johnny en interview à son retour du Canada. C'était dans l'émission Au-delà qui date du 10 avril 1966. Johnny Hallyday, on est vraiment content de vous revoir. Et est-ce que si je vous dis que moi je suis également content, vous me croirez? Je vous crois. Et je pense, Johnny Hallyday, on en aurait des choses à se dire au-delà de l'écran. C'est vrai, les souvenirs, les débuts, ah oui, le présent, et puis les projets, l'avenir. Allez, quel est le premier mot que vous voulez dire au public français en rentrant? Que je suis très heureux, et c'est oui, vraiment sincère, ça sort du fond du cœur, de retrouver le public parisien, et par la même occasion, français. Bien sûr. Tout le public et puis, français. Entre nous, content aussi de retrouver votre maison, qui est une bien jolie maison. Surtout que j'ai tellement, c'est tellement rare que je sois chez moi. Johnny Hallyday, c'était la première fois que vous alliez, je crois, en Amérique. La première fois, oui. Oui. Vous n'aviez jamais eu le contact que vous venez d'avoir avec le public vibrant du Canada. Non, j'ai déjà eu l'occasion d'aller en Amérique, oui, à New York, à Nashville, pour enregistrer des disques, pour faire des télévisions. Oui. Mais encore jamais l'occasion d'aller au Canada. Alors, vous avez pu comparer, puisque vous regardez le public pendant que vous chantez, ils vous regardent et vous le regardez. Oui. Vous avez pu comparer le public français, le public européen, oui, et le public canadien. Quelle différence? En France, par exemple, les jeunes filles se déchaînent, montent sur scène, essayent d'arracher un bout, oui, de cravate, arracher un bout de chemise, elles crient beaucoup. Alors que le public canadien réagit à peu près pareil. Moi, je me souviendrai toujours, la première fois que je suis arrivé au Canada, j'ai vu des filles arriver devant la scène et se déchaîner, se tirer les cheveux, mais tout ça sans bruit. C'est-à-dire, le contraire de France, par exemple, on a l'impression qu'elles crient, qu'elles se déchaînent, elles font pareil, elles se tirent les cheveux, se roulent par terre, mais on a l'impression de vivre, par exemple, un film sous-marin, sous l'eau, oui, où tout se passe en action et en silence. On a l'impression que c'est comme si le son sortait dans du coton, l'impression que ça ne sort pas, qu'il n'y a aucun bruit. Mais elles font pareil, se tirent les cheveux, se roulent par terre. Et c'est drôle parce que le public canadien applaudit beaucoup plus après chaque, oui, chanson. Que le public français se déchaîne pendant les chansons, alors que le public canadien se déchaîne entre les chansons. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Et je pense qu'il y a en ce moment, à la seconde où nous parlons, des milliers ou des dizaines de millions de jeunes qui vous regardent, et parmi eux, beaucoup de jeunes qui font des chansons. Donnez-leur un petit conseil de Pâques. Qu'est-ce que vous leur conseillez à tous ces jeunes qui sont là à s'essayer et qui rêvent d'être Johnny Hallyday? Allez, qu'est-ce que vous leur dites? La seule chose que je peux leur dire, d'abord, leur souhaiter beaucoup de chance, parce que pour faire ce métier, il faut beaucoup de chance. Oui. D'abord, le fait de pouvoir faire ce métier, c'est une grande chance, parce que c'est un métier merveilleux. Ensuite, il faut travailler énormément, parce que c'est comme tous les métiers, on ne réussit pas sans travail. Il y a beaucoup de gens qui se disent, moi je veux faire ce métier parce qu'il y a la gloire, on gagne de l'argent, mais on ne gagne pas de l'argent, on ne devient pas une vedette comme ça du jour au lendemain parce qu'on a décidé de devenir un chanteur et de gagner de l'argent. Il faut travailler énormément. On ne devient pas un artiste du jour au lendemain. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live à la télévision le 7 avril. Guy Lux propose un spécial Johnny Hallyday dans son palmarès de la chanson. Il y a que François, Eddie Mitchell, Dick Rivers et Johnny Anton. Je l'aime jusqu'à minuit, quand on vient la nuit, le diable le pardonne, le pénitencier est maintenant ou jamais. Me voilà en prison, la fille que j'aimais, le jour la nuit sifflait, elle se prenait pour un petit oiseau. Moi j'adore les oiseaux. Diable me pardonne, en été et tes potes, à la fenêtre un jour je l'ai poussé, mais elle n'a pas volé. Encore pire, elle n'aimait que l'ennui. Les diables me pardonnent, mon idée était bonne. Dans son café, mois, elle dort depuis 6 mois. Les gens sont méchants, c'en est décourageant. Ils ont jugé, oui, que ma manière d'aimer présentait des dangers. Les diables me pardonnent, ma chance m'abandonne. Ça m'apprendra à être bon garçon, les femmes me perdront. Ouais, les diables me pardonnent. Le diable me pardonne. Hey, le diable me pardonne. Au, le diable. Bien, je vous remercie tous pour votre accueil. Il y a une chose qui me fait plaisir, c'est de voir qu'en France, il y a toujours autant de fans de rock. Bien. J'aimerais maintenant vous présenter les musiciens qui m'accompagnent sur scène. Je vais commencer par celui qui joue du piano, il n'y en a pas ce soir, mais il joue de l'orgue et de l'harmonica. Il s'appelle Raymond Jones. Je vais maintenant vous présenter comme musicien. C'est pas vrai, Guy? Guy! C'est pas vrai? Salut! Il s'appelle Papillon. Voici maintenant celui qui a le meilleur caractère de l'orchestre. Il s'appelle Gérard Pisani. Maintenant celui qui est le plus ancien dans mon orchestre, depuis mes tout débuts, il s'appelle Jean Tejan. Voici également un autre musicien, petit par la taille, qui a choisi un gros instrument, parce qu'il se cache derrière, parce qu'il est très timide. Il s'appelle Gilbert Dalanez. Attention, mademoiselle, voici maintenant le donjon de l'orchestre. Après moi. À la guitare, Mickey Jones. Voici toute la bonne humeur du midi de la France avec Gilles Pellegrini. À la batterie, Tommy Brown. Et l'orchestre est dirigé par mon ami Eddie Barton. Merci. seul je m'ennuie. Je pense à toi quand revient la nuit. La lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi. Le temps m'enfuit. Je vais tout seul pour cacher le chagrin que j'ai d'être séparé. Bien sûr, j'ai changé, changé plus fort que jamais. Je veux t'aimer. Lors du palmarès de la chanson au studio Théâtre 102 qui ne peut contenir tous les admirateurs venus en masse. Des téléviseurs sont installés dans le hall de la maison de la radio pour satisfaire ceux qui n'ont pas eu le bonheur de trouver une place dans le public. Oui, qui a dit que Johnny était fini, n'est-ce pas? En mars, Antoine, un nouveau Zig portant cheveux longs et chemise à fleurs s'impose comme le chantre du protest song à la française. Ce centralien, au répertoire cependant moins proche de Dylan que des futurs Charlots qui l'accompagnent, s'amuse à refaire le monde via son tube Les Élucubrations, qui préconise entre autres d'enfermer John Hallyday en cage à Medrano. Et le mardi 10 mai, les impertinences d'Antoine ont passablement irrité Johnny, à moins, comme il le prétendra plus tard, qu'il n'ait fait mine de se piquer au jeu, histoire d'aviver la polémique déjà copieusement entretenue par la presse et s'octroyer un éclairage publicitaire profitable en ces temps chaotiques. Quoi qu'il en soit, encouragé par Jean Ponce, Gilles Thibault se fait l'avocat du chanteur en écrivant en une nuit Cheveux longs, idées courtes, titre phare d'un nouveau 45 tours enregistré à Blanqui du 8 au 12 avril et finalisé du 2 au 4 mai sous la direction de Lee Hallyday. Fait-on pousser du blé en faisant des discours? Faut-il un uniforme pour détester la guerre? Faut-il être libre, avoir les cheveux longs? Chante Johnny sur une musique de sa composition inspirée par My Crucified Jesus de Ferry Grignard, un beatnik flamand. Qu'importe si les intellos trouvent le discours réactionnaire, l'idole rassure ses fans en réaffirmant son autorité et la chanson se classe aussitôt en tête des hit-parades. Ce qui fait dire à Antoine, je suis heureux que grâce à moi, le pauvre Johnny ne soit pas complètement tombé dans l'oubli. Si tout change, Our World de John Tillotson et du respect de Otis Redding figure également au générique de ce 45 tours où le chanteur affirme son penchant pour la soul music. Dans le même registre, George Abert lui écrit Les coups d'après Uptight de Stevie Wonder qui rejoint rapidement Cheveux longs et idées courtes dans les hits et sera un formidable titre de scène. Au final, le disque se vend à plus de 500 000 exemplaires et on écoute ce titre Cheveux longs et idées courtes en prise complète qui figure également dans le disque dans l'album de la semaine Génération Perdue. Si M. Kennedy aujourd'hui revenait, ou si M. Gandhi soudain ressuscitait, ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter da da da da da. Et surtout avant tout, d'avoir les cheveux longs. Crier dans un micro, je veux la liberté. Assis sur son derrière, avec les bras croisés, nos pères et nos grands-pères n'y avaient pas pensé. Sinon combien de larmes et de sang évité. Da da da da da.

au milieu des tourments. Plus les coups sont durs et plus vite on apprend à devenir quelqu'un qui se défend. Oh oui, les coups un jour ne font plus peur. Les coups qui vous font mal au cœur. Les coups à quand ils vous arrivent. Les coups, ouais ça fait mal. Oui, les coups, ah ah ah ah ah ah. Oui, les coups. Dans l'émission du jour, Johnny de A à Z, je vous fais découvrir en gros tous les titres que Johnny Hallyday a pu chanter dans l'année 1966, ainsi que l'histoire, ainsi que l'année très remplie de Johnny Hallyday en 1966. Et là, nous sommes le mercredi 25 mai. Johnny est dans l'émission de télévision Tête de bois et Tendres années. Il chante Jusqu'à minuit, Cheveux longs et des courtes, et en duo avec Petula Clark, chante une version française de When the Saints Go Marching In, suivie d'un pot-pourri de leur succès commun. Johnny ne se gêne pas pour fustiger Antoine présent sur le plateau en déclarant « C'est dommage qu'Antoine n'ait pas le talent de Bob Dylan ». Et il a bien raison. Albert Eisner, oh yeah, je vous présente, oh yeah, son émission, oh yeah, émission telle que bois, oh yeah, voici maintenant, oh yeah, tous les participants, oh yeah, Petula Clark, oh yeah, Johnny Hallyday, Charles Trenet, oh yeah, les claquettes puis André, oh yeah, cinq gentlemen, oh yeah, j'en ai les problèmes, quel problème, Chantal Kelly, oh yeah, et Michel Polnareff, oh yeah, les papes et puis Monty, oh yeah, Christophe et Dick Rivers, oh yeah, tout près du ring, oh yeah, l'orchestre de Globoli, avec nous, Johnny Jeff Holland, oh yeah, et puis j'ai de l'être la voix. Oh yeah, collaborer, oh yeah, ensemble à Tête de bois, oh yeah, pour la photo, oh yeah, c'était Claude Gallo, oh yeah, Pierre Terrier, oh yeah, c'est l'ingénieur du son, yeah, yeah, et Yann Tardif, oh yeah, le chef de production, oh yeah, Jean Bergman, oh yeah, l'ingénieur de vision, oh yeah, aux caméras. Ah, il y avait Alain Grazil, oh yeah, Pierre Genève, oh yeah, Mario Cavani, excuse-moi, oh yeah, Serge Palazzi, oh yeah, Catherine Desbourses-Griff, oh yeah, André Tissier, oh yeah, Jeanette Assisté, oh yeah, Maurice Robert, oh yeah, et Antoine Léonard, réalisé, l'émission de ce soir. Salut les têtes de bois. Salut. C'est fini, on s'en va. Salut les têtes de bois. Le générique de fin de Tête de bois et Âge tendre, tendres années, tendres années, voici le medley Petula Clark et Johnny Hallyday. On est tous là pour l'émission. L'entrée d'un grand voyage, quelle joie de retrouver Paris. Yeah. Plus de soucis, dès que l'est fini, oh, oui. Jusqu'à minuit, je retiens la nuit. Je suis devenu incorruptible, puisque je rentre des USA. Tu rentres en chariot ? En avion, bien sûr. Je me suis levée de bonne heure, jamais plus tard que minuit. J'ai pris juste une heure pour m'habiller, parce qu'aux États-Unis, on réclame la ponctualité, et moi ça m'a réussi. Toi ? Ton histoire est une histoire comme on en voit tous les jours dans notre métier de troubadour. Ah, oui. Il nous faut toujours voyager sans jamais s'arrêter. mais il faut avouer que cette vie, on l'aime. On l'aime. On couche n'importe où. Non, des chambres à 100 sous. $20. On chante des chansons. À la télévision. On est les rois. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live à la télévision dans Télédimanche du 19 juin 1966. Thank you. faire des heureux. Je me sens seul comme un train qu'on abandonne. La pluie coule en larmes sur le sol. Trop souvent je suis venu, mais trop souvent tout seul. J'étais si heureux quand je me prenais là-haut sur le ventre du ciel. Jour après jour, je suis revenu l'attendre en mettant mon cœur à l'armée à cendre. Aussi, je pouvais être seul aussi. Aussi, je pouvais penser revenir ici. Mais j'ai chaque fois te retrouvé là-haut sur le ventre du ciel. Et mon près du ciel, et mon près du ciel, j'y ai tant souffert. On les appelle les mon près du ciel, oh, ouais, c'est l'enfer. Ah, pas dans la ville, les gens vivent et les gens s'aiment. J'aime aussi l'église et mon cœur se serre. Dans cette église, l'autre est couvert de fleurs. Les cœurs qui sonnent et cognent dans mon pauvre cœur. Et je pleure, c'est mon amour. Là-haut sur le ventre du ciel. Revenons maintenant à l'actualité de Johnny en 1966. Nous sommes à la fin juin. Enregistrement de la Carmagnole et de Saïra au studio de Joinville pour la séquence Présence du passé d'un film d'Albert Gans sur la Révolution de 1789. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à sa patrie. Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à sa patrie. Mais il y a manqué, ne faisons plus quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul. Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul. Mais son coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son. Retrouvons à présent un autre extrait de l'album de la semaine qui est Génération Perdue, sorti le 19 octobre 1966. Voici le titre De loin en loin. De loin en loin. De loin en loin, les amis s'en vont. Le meilleur, c'est vrai, Du 20 juin au 8 juillet 1966, Johnny continue sa tournée internationale en allant visiter ou allant chanter dans les pays de l'Est. Et là, les équipes de télévision l'attendent à Orly, je suppose, pour son retour, sur son retour de Pologne. C'est un passage télévisé qui a été diffusé le 8 juillet 1966. Fans de France et de Navarre, réjouissez-vous, Johnny est de retour. Il va immédiatement entreprendre sa tournée sur les plages en France et en Espagne, et puis il va tourner un film. Mais Johnny... Les pays de l'Est, c'était comment? Écoutez, j'aurais tellement de choses à vous raconter là-dessus qu'on pourrait y passer trois jours et trois nuits. Une impression choc. Ce qui m'a plu en Grèce, d'abord, parlant de plus des choses agréables, c'est le public. D'autant plus que le public à l'Est n'a jamais vu, pour ainsi dire, des spectacles de rock'n'roll de temps. Et ça, pour nous, c'était un peu comme il y a à peu près 6-7 ans en France. Le public réagissait à peu près pareil qu'il y a 6-7 ans en France. Les premiers qui n'ont jamais vu de rock... public, ce genre de public qui... Enfin, surtout des jeunes qui se roulaient par terre, en fait, qui... Donc on peut dire que vous avez retrouvé le public parisien d'il y a 7 ans C'est à peu près ça, oui. Est-ce qu'on porte des cheveux longs, là-bas? Il y en a pas mal qui portent des cheveux longs, oui. Il y a des idoles, là-bas? Moi, je les connais pas, en tout cas. Vous n'avez pas entendu parler? Non. Après les tours de chant, qu'est-ce que vous faisiez? Après les tours de chant, ouais. Rien, parce que, vous savez, là-bas, tout ferme à 11h du soir, alors il n'y a plus qu'à aller... aller dîner, aller se coucher. Dans quelle ville ça a le mieux marché? Où ça a le mieux marché, c'est surtout en Tchécoslovaquie. Pourquoi? Parce que le public était, admettons, un peu plus libre. Est-ce qu'il y a une chanson qui a particulièrement plu là-bas? Oui, il y a des chansons qui étaient plus ou moins connues, comme par exemple « Je l'aime »,« Le pénitencier »,« Quand revient la nuit ». Vous avez chanté dans la langue des pays où vous étiez? Non, je sais tout juste dire « Merci beaucoup ». En Pologne, on dit Dziękuję bardzo. En Tchécoslovaquie, on dit Dziękuję pięknie. En français, on dit merci beaucoup, Johnny. Oui, évidemment. Voici un autre titre de l'album de la semaine, La Génération Perdue. Voici le jeu que tu joues en version complète. Dis-moi, je voudrais savoir. Je voudrais savoir le jeu que tu joues. Tu l'as vu, j'en ai peur. Dans un grand film en couleur, le jeu que tu joues. Dis-moi, dans quel cinéma des acteurs le jouent. Je voudrais voir ça, comment ça se joue. Le film est très mauvais. T'as vu ça dans un navet, le jeu que tu joues. La comédie du grand amour, quand tu m'as dit c'est pour toujours. La tragédie pour nos adieux, moi ça me fait rire un peu. Dis, ça ne sert à rien, le jeu que tu joues. Dis, pour nous c'est la fin, et un point c'est tout. Le jeu que je joue. Nous allons à présent retrouver Johnny Hallyday dans une émission de télévision qui a été diffusée sur l'ORTF en 1966, exactement le 1er août 1966. L'émission s'intitulait Les 1200 coups et cette émission a été enregistrée à Sainte-Maxime, au Saint-Hilaire-de-la-Mer. Johnny arrivait en hélicoptère, il était entouré de ses copains, Long Chris, Jean-Jacques Debout, Mickey Jones, et il parlait aussi en duplex avec Nino Ferrer. Là, on va l'entendre interpréter Loving You en version acoustique. Je pourrais te chanter. Chanson douce. Tu tiens vraiment? Ah oui, absolument. Oui, ça. Un blues. Oui. Bah, hey, ça n'est d'accorder la guitare. C'est pas un blues qu'on va écouter, non? Pas jouer avec une guitare fausse parce que je chante faux. Alors. Et quand je chante faux, tu sais pas ce que c'est, mais le matin dans ma salle de bain, c'est terrible. Une chanson que je chante, surtout seulement pour mes amis. Je ne chante jamais sur scène et je l'enregistrerai sûrement jamais. C'est une chanson que je chante pour mes amis. C'est gentil. Quand je suis dans une ambiance que j'aime bien, avec des amis intimes autour d'un feu de bois. Très gentil, par exemple. Tu vois, et c'est une chanson, c'est une très vieille chanson d'Elvis Presley. Et j'ai aimé Elvis Presley, tu sais que j'ai aimé Elvis Presley plus que n'importe quoi, avant mes débuts même, depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans. Et j'ai aimé Elvis Presley à cause de cette chanson. J'ai besoin de silence. Un peu de silence s'il vous plaît, vous êtes très gentil, merci. C'est une chanson qui a besoin de beaucoup d'attention. Bon, nous l'écoutons avec beaucoup d'attention. Je trouve qu'il y a de très jolies paroles là, c'est pour les personnes qui comprennent l'anglais, évidemment. I will spend my whole life to loving you, loving you, winter, summer, springtime too, loving you. Loving you makes no difference where I go or what I do. You know that I will always be loving you, just you. If I'm seen with someone new, don't be blue, don't you be blue. I'll be faithful, I'll be true, always true, true to you. There is only one for me, and you know. You know that I will always be loving you. Bravo Johnny, merci. Tu sais, je ne peux pas applaudir parce que j'ai le micro, mais j'en ai très envie. Hein. Une question simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Take one. Un, deux, ouais. Un, deux, trois. Et je vous donne rendez-vous le mercredi 4 décembre 2024 pour suivre une émission spéciale Johnny 1968. Nous allons retrouver Jean-François Chenu, Jean-François Brieux, Xavier Perrault et ainsi que Laurent Guénot pour participer dans cette émission qui durera 2 heures le mercredi 4 décembre 2024. Pour ceux qui ne seraient pas au courant de la sortie du nouveau livre-disque Johnny 68, Peux-tu nous rappeler, Xavier, tous les supports qui seront disponibles à partir du 22 novembre et le 13 décembre 2024? On commencera avec la parution le 22 novembre prochain de 45 tours avec l'inédit Il faut rouler, qu'on a retrouvé sur nos bandes, avec Non ne me dis pas adieu en face B. Et ensuite, on enchaînera avec donc, le 12 décembre, donc on a plusieurs supports qui sortent à cette date-là. On a le coffret 4 CD qui reprend l'album studio Jeune Homme et les petits bonus inédits, extraits de cet album. Ensuite, il y aura l'album studio Rêve et Amour avec là encore tout un tas de petits bonus inédits. Et ensuite, les deux lives de la tournée 68, celui de Saint-Raphaël du mois de juillet 68 et celui de Cambrai du mois de septembre. Donc ça, c'est le coffret 4 CD. Ensuite, séparément, on aura 4 vinyles, les deux albums studio avec leurs bonus respectifs, c'est-à-dire Jeune Homme, Rêve et Amour. Pour donner un ordre d'idée, Jeune Homme, c'est au total 19 titres avec les bonus, et Rêve et Amour, c'est 21 titres avec les bonus. Ensuite, on aura les deux concerts de la tournée d'été 68 avec le concert de Saint-Raphaël, en vinyle toujours, et celui de Cambrai, également en vinyle. Alors, Saint-Raphaël, ça sera un simple, 11 titres, et Cambrai, qui est plus long, lui sera sur un double. Il atteste 13 titres. Ça, c'est pour ce qu'elle sera disponible dans, partout. Et en bonus, on aura uniquement sur le store, la boutique officielle Johnny Hallyday.store, on aura deux supports exclusifs sur cette boutique. D'une part, un 45 tours tiré à 500 exemplaires qui reprendra deux titres de la tournée 68, d'une part. Et ensuite, on aura un picture vinyle qui sera lui tiré à 750 exemplaires et qui paraîtra donc toujours le 13 décembre, mais uniquement sur la boutique Johnny Hallyday.store. Comme le 45. Alors là, vous entendez, je n'ai jamais voulu croire, je n'ai pas voulu croire. Ça, c'était extrait de Saint-Raphaël de 1968. Et pour vous dire que d'ici deux jours, sortira dans le commerce et aussi en commande dans différents players, la chanson « Il faut rouler ». Donc la chanson, elle a fuité, ouais, elle a fuité sur Internet il y a une semaine de ça, alors qu'elle devrait sortir que vendredi. Et il y en a même qui sont amusés carrément à enlever les paroles de Johnny et puis de diffuser uniquement la version instrumentale pour faire des karaokés. Ok, bon, alors en principe, j'ai pas le droit de diffuser l'émission, cette chanson, mais je vais vous diffuser quand même le petit instrumental, mais dessus va parler Laurent, Xavier Perrot et Laurent Guénot au sujet de ce titre inédit. C'est un inédit... Ah donc, j'ai pas la musique avec. C'est moins abouti que celui qu'on avait retrouvé sur 71 Waterloo. Mm-hmm. On sent, la chanson est là, elle existe, mais voilà, on sent qu'elle a... Elle est amenée à avoir d'autres développements. On peut peut-être rajouter d'autres instruments derrière. Franchement, je peux rassurer tout le monde. C'est des bandes qui ont 55 ans maintenant. Et c'est vraiment ce qui a été enregistré à l'époque. Et c'est vrai, voilà, c'est pas du tout créé par l'intelligence artificielle ou tout ça. Non, non, c'est du bon génie original de l'époque. Sur toutes les productions, en fait, il y a très souvent des titres qui ne sont pas mis sur l'album pour X raisons, parce qu'il y a trop de titres, parce que le titre arrive un petit peu trop tard. Enfin voilà, il y a X raisons pour ne pas se retrouver sur un album, et ça ne veut pas dire que le chanteur n'aimait pas cette chanson. Loin de là, quoi. C'est pas du déchet, c'est juste que... Ben voilà, où ça n'est pas dans une... Tu vois, par exemple, il y avait une ligne du Waterloo, effectivement, ça collait pas dans la couleur du reste de l'album, c'était un truc un petit peu à part, donc oui. Tu comprends aisément que les gars se disent, bon, voilà, tant pis, on l'adore, mais on la met pas sur l'album, parce que c'est un petit peu à part. Là, on va dire que c'est pareil. En plus, c'est une bonne chanson, Il faut rouler, c'est un truc super positif. Oui, comme je disais, c'est entêtant. Tu écoutes la chanson et au bout d'une écoute, j'avais déjà le truc dans la tête et je chantais en même temps, tu vois. On est tout pareil. Donc voilà, donc c'est une bonne chanson. Et tout le meilleur, Johnny, J'ai quelques petits bouts de trucs où il essaye de chanter. Il dit non, aujourd'hui, j'ai pas la voix, je chante pas. Ouais. Donc, s'il n'avait pas envie de chanter, s'il n'avait pas envie de laisser de traces, il ne l'aurait pas chanté. Alors que c'est des trucs, bon, ben voilà, c'est ouais. bien chanté, il prend du plaisir, et donc c'est cool. C'est cool, et donc ça c'était un extrait de l'émission du 4 décembre que donc je vous souhaite à tous, et je me souhaite aussi que vous soyez à l'écoute. Mais sinon, revenons un petit peu à l'émission Johnny 2 à Z spécial année 1966 et album spécial album Génération Perdue sorti le 19 octobre 1966. Nous sommes à présent en mois d'août, le dimanche 14 août, Johnny doit chanter à Salis Terme à Milan, le jour où Sylvie Vartan met au monde leur fils David Michael Benjamin Smet à la clinique du Belvédère de Boulogne-sur-Seine. Carlos le prévient par téléphone peu avant le spectacle et le chanteur annonce la nouvelle à son public. Il fait ensuite l'événement avec son équipe et à sa manière quelque peu excessive. Résultat, l'hôtel où il est descendu est saccagé. Le lundi 15 août, c'est la course contre la montre pour Johnny. Il embarque à 7h du matin dans une caravelle d'Air France et à destination de Paris. Et à 8h40, il est chez lui à Neuilly. Et désireux de faire un petit cadeau à sa femme, il tente de joindre la maison Cartier. Mais la maison Cartier n'ouvre pas le 15 août, même pour Johnny Hallyday. Il commande alors une énorme gerbe de fleurs et vers 9h15, il fait la connaissance de son enfant, un petit blondinet de 3,5 kg, dépose dans son berceau un topolino, un petit lapin en peluche, acheté à l'aéroport de Milan, et offre la gerbe de rose à l'heureuse maman pour son anniversaire. Et à 10h, il prend un bon petit déjeuner avec des amis au bois de Boulogne, et une heure après, il revient au chevet de Sylvie, reçoit les journalistes, à 13h, il repart, et le soir même, il chante à Venise sur la scène du Lido. Écoutons justement ce petit extrait de télévision. On savait déjà qu'il s'appelait David et qu'il était né le jour anniversaire des 22 ans de sa maman. Et ce matin à 10h, on attendait l'heureux papa devant la clinique en espérant bien avoir plus ample détails. Comment va Sylvie d'abord ? Oh, Sylvie va bien, elle est très fatiguée, elle dort pour l'instant, mais elle va bien. Bon, il est en forme. Ah bah lui, il se porte... C'est le plus fort de tous, je crois. Le plus fort de tous, il ne faut pas aller la déranger, elle dort. Elle dort ? Bon, je m'en voudrais une toute petite vue. Non, pas maintenant. Pas maintenant, tout à l'heure ? Oui. Bon, tu n'as qu'à attendre, là, tu verras avec Carlos. D'accord. Vous repartez, vous ne restez pas à son chevet ? Malheureusement, je chante ce soir à Venise. Il faut partir tout de suite, alors ? Oui, j'ai un avion, c'est pour ça. Oui. Bon, bah écoutez, on vous laisse. Heureux papa, bien sûr. Merci. Au revoir et merci. Merci. Paradoxalement, Johnny souffre plus du baby blues que Sylvie. Quelques semaines après la naissance de David, le jeune papa chante qu'il n'y a plus d'espoir. Noir. Il faut que tu saches, cet homme entre les mains du fossoyeur, cet homme n'était pas un lâche, il est mort pour sauver son honneur. Mon fils, tu ne peux pas comprendre. Si cet homme a dû prendre son fusil, c'était pour mieux se défendre. Et c'est lui qu'on enterre aujourd'hui. Car des hommes venus du Nord, oui des hommes qui volent et qui pillent, ont un sang. On ravage la moisson et on fait pleurer sa fille et ses hommes. Mon fils, tu vois cette femme. Peut-être fier de lui dans son malheur. Sa vie se termine en larmes. On enterre la moitié de son cœur. Mon fils, tu vois ses couronnes. te prouve qu'il n'était pas seul dans la vie. Écoute la cloche qui sonne, même le poteau était son ami. Mais des hommes venus du nord, oui, des hommes de sang et de haine, par une nuit tranquille, ont traversé la ville et ont détruit son domaine. Et ces hommes, et ces hommes courent en guerre. Mon fils, il faut que l'on rentre. Ce n'est pas un spectacle pour un garçon. Mon fils, il faut que l'on rentre, car ta mère nous attend à la maison. Du lundi 22 au mercredi 24 août, session d'enregistrement à l'Olympic Sound Studio de Londres, au du prochain album, sous la direction musicale de Tommy Brown et de Mickey Jones. L'idole loge au Hyde Park Towers Hotel, et pendant ce temps, sortie de clinique, Sylvie pouponne à Loconville, où elle souffre de l'absence de son mari. Et du jeudi 1er septembre au vendredi 9, suite des sessions à Londres, sous les directions artistiques de l'Ialidé et musicale, de l'ingénieur du son Giorgio Gomelski, coordinateur des premiers enregistrements des Yardbirds et des Stones. Johnny y rencontre Otis Redding. Là, ce n'est pas Otis Redding qu'on va écouter, du moins Johnny interprète un titre d'Otis Redding, mais un titre des Beatles. Ouh, soudainement je suis tombé, ouh, et comme ça je... Oh là. On recommence. Donne-moi à boire, j'ai un chat dans la gorge. Tu as pas du lait là, il y a du lait encore, je crois. Merci. Tu l'ouvres, le Perrier? Mmh. Ça donne mal à la gorge, le gaz. Puis ça mmh. Les... Hein? Les boules d'enfant, c'est ça. On y va? J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter là. Une autre route, je l'ai suivie, il a fallu que je te trouve là. Je suis tombé, et comme ça je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement fait rêver. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter là. Une autre route, je l'ai suivie, il a fallu que je te trouve là. Ouh, soudainement je suis tombé, ouh, et comme ça je suis resté à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant de ma pauvre vie. De ma pauvre vie. Je veux t'écraser dans ma vie. 10 septembre, rentré de Londres, Johnny doit chanter à Vincennes pour la fête de l'humanité. Mais à son arrivée à l'aéroport, vers midi, son avocat l'informe que le fisc lui réclame un lourd arriéré d'impôts et que Sylvie a l'intention de demander le divorce. C'en est trop. Il s'enferme dans la salle de bain, avale des barbituriques et se taillade le poignet droit. Jean Ponce, son impresario, Tilki Olgado, son nouveau secrétaire, qu'il surnomme affectueusement le petit cabessou toulousain, et Gilles Paquet, son attaché de presse, le découvrent inanimé et préviennent le médecin Paul Bellèche, ami de la famille. Il est le cousin de Jean-Pierre Pierre Bloch. Et pour ne pas ameuter les journalistes, Palou Bellèche enferme Johnny dans le coffre de sa voiture et le transporte jusqu'à l'hôpital Lariboisière, où le chanteur est admis au service des réanimations. Aussitôt prévenu, Sylvie vient aux nouvelles et à 23h, les médecins l'autorise à voir son mari et l'informe qu'il est hors de danger. Voici le titre, quand un homme perd ses rêves, extrait d'album de la semaine, Génération perdue, sorti le 19 octobre 1966. Avec sa vie, il cherche l'oubli. Quand un homme perd ses rêves, pourquoi suivre son long chemin où l'on raconte qu'il n'est plus rien? À ses amis, il est fini. Et cet homme là qui pleure, son chagrin et tous ses espoirs, voit ses joies qui se meurent. Connu qui s'est perdu. Quand un homme perd ses rêves, la vie n'est plus rien pour lui. Il n'est qu'un homme sans destin et sans rien. Les chansons sont beaucoup d'adaptations hein, de standards anglais. Ont participé à l'écriture des paroles Long Chris, Ralph Burnett, et ainsi que Georges Haber. Et puis avec la chanson Cheveux longs et des courtes, c'était Gilles Thibault. Et Long Chris a raconté auprès de Jean, un autre animateur d'une émission Johnny Hallyday, sur Johnny, au cœur de Johnny. Il nous racontait l'histoire, comment est venue la chanson La Génération Perdue. Je vous parlais comment est née La Génération Perdue, parce que c'est lui qui a fait la musique. Parce que c'est le premier truc qui a tout déclenché, le texte biographique, autobiographique. Quand il m'a dit, mais j'ai des paroliers, mais c'est des vieux, ils ont 30-35 ans, hein. Mais ils me font des chansons, moi je voudrais des textes de nous, des jeunes, il faut que tu me fasses un texte. Je lui ai dit, tu rigoles, avec La Génération Perdue. Tout commence là, toutes les chansons découlent de La Génération Perdue. Après, tout le monde s'est mis à faire des textes biographiques. Autobiographique sur Johnny, de la chanson sur mesure. Et c'est moi qui ai lancé tout ça avec Je suis né dans la rue et toutes les chansons sur Alice après. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday à Châteauroux. C'était le 25 novembre 1967, et non 66, mais 67. Et on parlera de cette chanson « Noir, c'est noir » juste après cette prestation. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi, de 22h jusqu'à minuit. Il n'y a plus d'espoir, et c'est qui et je finis, j'en me rends fou. J'ai cru à ton amour et je perds. Je suis dans le noir et j'ai du mal à croire au gré de l'ennui. Et je te crie, je ferai tout pour sauver notre amour jusqu'au bout. Si un mot peut tout changer, je le trouverai à l'instant de la vérité, porte un doute. Voir ses noirs, il n'est jamais trop tard. Comme as-tu dit, je n'en veux plus dans ma vie. Oh non, ça me rend fou de perdre ton amour, je te l'avoue. Maintenant, pour le sauver, à tout je suis prêt. À l'instant de la vérité, pour te redouter. Noir, c'est noir, il me reste l'espoir. C'est qui? Et je ne veux plus t'ennuyer. Oh non, ça vaut le coup de sauver notre amour, rien que pour nous. De sauver notre amour, rien que pour nous. Un noir, c'est noir, il me reste l'espoir. C'est noir, il me reste l'espoir. Voir c'est noir, il me reste l'espoir. Je suis accompagné sur la scène, comme sur les disques, par l'orchestre des Black Birds. Il me restait l'espoir, qui sait qui, et je ne veux plus d'ennui. Oh non, ça vaut le coup de sauver notre amour, rien que pour nous. De sauver notre amour, rien que pour nous. Par ces noirs, il me reste l'espoir. Par ces noirs, il me reste l'espoir. Le mardi 20 septembre sort un nouveau 45 tours à la pochette sombre comme le visage du chanteur, inclut les deux titres enregistrés à Londres. Mauvaise ou heureuse coïncidence. Noir c'est noir, traduction par Jean Jabert de Black is Black de Los Bravos, en est le titre vedette et deviendra un classique dans la discographie de Johnny. Georges Albert écrivait en 2005 « Nous étions en studio à Londres avec Johnny et je me souviens qu'il ne voulait pas chanter la chanson car il était fatigué. J'ai insisté, il en a fait une seule prise que nous avons enregistrée par hasard. On rentre ensuite à Paris et Johnny fait une tentative de suicide. Philips m'appelle et me demande des bandes pour en faire un disque souple. C'est un succès radio immédiat vu la situation et tout le monde pensait que j'avais fait ça à cause du suicide, mais pas du tout. Et sur la face B, Johnny signe la musique de la génération perdue sur un thème imposé par l'ami Long Chris, le conflit des générations. Le chanteur qui voulait anime à l'intention des jeunes et satisfait des résultats. Il tient là un titre exceptionnel. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Long Chris fait une entrée remarquable dans le club ô combien convoité des auteurs du Grand. Enfin, pour pallier le manque de chansons nouvelles, deux instrumentaux des Blackbirds, Promenade dans la forêt de Brabant et Absolute Hyde Park, et qui complètent ce disque qui caracole bientôt en tête des ventes. Le mercredi 5 octobre, rentrée télévisée de Johnny dans Tilt, émission produite par Michel Arnaud et animée par Michel Drucker sur la première chaîne. Dans un costume blanc à rayures noires, hein, Johnny présente son nouveau tube Noir c'est noir. Et là, un autre passage télévisé, c'était le 1er octobre 1966 sur la RAI. Dans l'émission Studio Uno, Johnny interprète In the Midnight Hour and Rock and Roll Music avec Rita Pavone. Ben ouais, c'est ça, ouais, ouais. On y arrive. Signore e signori, a voi Johnny Holiday! Johnny, sei proprio una forza, guarda. Non è straordinario? Sì! Grazie. Come stai? Bene. Ma tutto bene? Sì. Dicevo che canti molto bene, canti veramente... Io? Sì, non tanto come canti, ma come ti muovi, come... Ah, en France, il y a beaucoup de chanteurs. In France, ah. Molto cantato. Cantato. Sì, ma vedi, e come ti muovi che mi piace? Come fai con i piedi? Si muove bene. Io mi muovo bene? Sì. Io non parlo francese, purtroppo. Ma lui mi capisce un pochettino italiano. Ti capiscono, ma non lo parlo. Anche tu non lo parli? Senti, Johnny, perché non facciamo qualcosa insieme, visto che siamo tutti e due qui? Un rock and roll? Come mai, dov'è? Rock and roll music. Benissimo. Time to lose it. It's gonna be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I got no kick against you more than jazz. Unless you twirl, play a dub on fuzz. I lose the beauty of the melody until it's only like a melody. Yeah. Unless you try to play it too damn fast. I lost the beauty of the melody until it sounded like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old thing you do, any old thing you do, got to be rock and roll music. If you wanna dance with me, I'm not okay. Yeah. Du vendredi 30 septembre au mardi 4 octobre 1966, retour à l'Olympic Sound de Londres pour clôturer les sessions d'enregistrement de nouvel album. Et lors d'une soirée au Bailey's avec Otis Redding, Wilson Pickett, Giorgio Gomelski et Lee Hallyday, Johnny découvre un éblouissement, un guitariste de génie nommé Jimi Hendrix. Et au Blaze, Jimi Hendrix joue avec le Brian Ogier Trinity et Julie Driscoll. Or, il se trouve que Brian Ogier fait partie de l'équipe des musiciens qui accompagnent Johnny à l'Olympic Sound. Il lui présente donc Jimmy et les deux hommes sympathisent et Johnny convainc celui-ci qu'on surnomme le Gitan Pourpre de venir en France assurer la première partie de son nouveau spectacle. Brian Auger et Julie Driscoll sont également du voyage. Et du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, tournée de chauff du concert unique de l'Olympia. En première partie et pour la première fois en France, Jimi Hendrix et ses musiciens, Mitch Mitchell à la batterie, Noël Redding, bassiste. Trois dates, le 13 à Novelty d'Evreux, le 14 au Rio de Nancy et le 15 à la salle des fêtes de Villerupt. Voici Johnny Hallyday en live. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live à l'Olympia le 18 octobre 1966. Je suis né dans une ville où mon père fut en prison. Ah, je me souviens quand il disait oh, oh, oh, sois sage mon fils, il ne t'arrivera rien. Je ne veux pas que tu connaisses et dans des chiens sur ton dos. Et mon fils ne te trouvait oh, oh, oh, pleurant de rompre entre quatre murs gris. J'ai mis les mains dans une eau sale, j'ai mis les mains dans la rivière où coule le crime et la misère. Je me suis lavé les mains dans une eau sale, j'ai essayé de travailler, j'étais même bon ouvrier. Je vivais, oh, oh, ne se contentait plus d'un ouvrier. Un matin, au ciel trop lourd, accompagné de trois bourriens, nous avons fait un coup pour rien. Les poches pleines de mine, nous avons couru. J'ai mis les mains dans une eau. J'ai mis les mains dans la rivière, au bout le crime et la misère. Je me suis lavé les mains dans une eau sale. Hey! Je me suis les mains dans une eau sale. J'ai mis les mains dans la rivière, au bout le crime et la misère. J'entends les chiens qui courent dans mon dos. J'entends le bruit des chiens qui courent dans mon dos. J'entends le bruit des chiens qui courent dans mon dos. Yeah! Vous êtes à l'écoute de Musicorama. Devant nous, Johnny Hallyday, un chef et une vedette, guitare à la main, trempé de sueur. Notre amour s'efface, nos cœurs ont fait leur temps. Quand la fin menace, mieux vaut partir avant. On s'aimait, et tu vois, on s'est trompé. On s'aimait, et tu vois, on s'est trompé. Notre amour s'efface, notre amour est perdu. Et quoi que l'on fasse, il ne revivra plus. On s'aimait, mais tu vois, on s'est trompé. On s'aimait, et tu vois, on s'est trompé. Bien trompé, bien trompé. Le cœur plonge, mais la vie, les gens en disposent. Le vent a soufflé sur les roses que l'on a. L'amour nous quitte comme il était venu. Tout s'est fait si vite, mon cœur ne comprend plus. On s'aimait, et tu vois, on s'est trompé. On s'aimait, et tu vois, on s'est trompé. Bien trompé, bien trompé. Le cœur propose, mais la vie, les gens en disposent. le vent a soufflé sur les roses que nos mains battues ne feraient plus. On s'aimait, mais tu vois, on s'est trompé. Mais tu vois, on s'est trompé. On s'aimait, mais tu vois, on s'est trompé. Tu te rends compte qu'il est arrivé ce soir? Oui. Est-ce que tu te rends compte qu'il est arrivé ce soir? Chanteur de rock, t'as été plus fort que t'as jamais été de ta vie. Mais non, il n'y a plus de chanteur de rock, il y en a un, c'est tout. Dommage qu'on n'a pas fait ce tournoi l'année dernière. Il ne faut jamais rien. Permettre de faire. T'as jamais été comme ça de ta vie. C'est vrai? Jamais. Arrête-toi devant Coco, ça. C'est vachement important. Je ne peux pas imaginer ce que tu as fait. Oui, il n'y a pas de bon public. Il n'y a qu'à voir si la première partie, si c'était bon. Il n'y a pas de bon public. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas. Mais t'as été colossal. Le rock est loin d'être mort quand même. Je vais te dire, il n'est pas mort. Oui, si on tombe sur des gens comme toi, mais des gens comme toi, tu sais, moi je les connais tous, les Américains, les Anglais, les Tibétains et les Patagons, tu comprends? Il y en a. Ben il n'y en a pas lourd. Hein. Il y a des Tibétains. Il y en a. Oh, il y a un rocker tibétain. On va le dire, on peut Il y a des rockers tibétains. Ah ouais? Comment ils s'appellent? Ah, ça, alors c'est trop compliqué à prononcer. Prochain, on aura les musicaux du Tibet. Hein. C'est pas David. C'était Bruno Cocatrix qui parlait à Johnny Hallyday lors d'une sortie d'un tour de chant à l'Olympia. Le live que vous avez pu entendre, c'était Johnny Hallyday le mardi 18 octobre sur la scène de l'Olympia pour un musicorama spécial retransmis en direct sur l'antenne d'Europe 1. Dans la salle, les fans guettaient en vain la venue de Sylvie, celle-ci ayant préféré accepter l'invitation à dîner de Robert Hossein. En première partie se succèdent Brian Ogier, Julie Driscoll et The Jimi Hendrix Experience dans trois morceaux d'anthologie Killing Floor, Hey Joe et War Thing, une légende est née. Et c'est avec Les Coups que l'idole revenue de l'enfer ouvre le show. Les coups qui vous font mal au cœur, il sait de quoi il parle. Tomber à terre, apprendre à se relever sans pleurer, le voilà donc. Johnny debout, d'une beauté livide et envoûtante, animé de cette énergie qui va chercher on ne sait où, balançant son corps et ses refrains, sonnant comme des slogans « Je me suis lavé les mains dans une eau sale, je veux te graver dans ma vie ». Pas un instant de répit, il enchaîne les titres à un rythme effréné, un rythme qui l'emporte jusqu'aux frontières de la folie, jusqu'à venir à genoux vers ce public aux mains tendues, là, tout près, tout au bord de la scène. Il hurle « Je suis seul » et tout le monde le croit parce que la scène est son exutoire, parce qu'il y joue sa vie, parce que son public est sa plus grande histoire d'amour. Ce public qui aime comme on aime, quand on aime vraiment jusqu'à tout pardonner. Un public tout à coup rassemblé, amassé, collé à l'estrade, venu réchauffer celui qui hurle « J'ai froid ». Il dit quelqu'un qui m'aime ici ce soir, mais oui, tout le monde lui crie son amour. N'importe qui dans la salle, fille ou garçon, serait prêt à panser ses blessures, à l'attraper à bout de bras et à le relever, ce fauve tombé à terre, hurlant, transpirant. Ces confessions écrites par l'ami Longcrise dans un moment d'égarement constituent le clou de ce spectacle mené tambour, guitare et cuivre battant. Un spectacle qui s'achève avec le tube Noir c'est noir, mais ouvre un horizon où tout espoir est permis. Même si pour cela, l'idole doit s'effondrer derrière un rideau rouge, vidé, blanc comme la craie, emporté en urgence, jeté dans une voiture. Et Charles Trenet déclarait en préface du programme de l'Olympia, Johnny Hallyday brille au firmament des étoiles de première grandeur, mais il est, je crois, le seul soleil de ce ciel encombré, le seul qui éclaire les autres, le seul autour duquel tournent les autres. Quand la majorité de ses camarades aura fini de se prendre pour un consortium de cow-boys, on verra que seul Johnny enfourchait un cheval ailé. Et l'album Génération Perdue sort

matin de la chance plein les toits. Et hey, hey, Joe, en laissant ta marché dans quoi? T'as toujours les poches pleines, la voiture de l'année. Dis donc, ma parole, on en oublie que t'es si laid. Ouais, moi Joe, tu vois, je n'ai plus rien. Je pensais avoir une fille bien à moi. Mais il paraît, Joe, qu'elle dort maintenant entre tes draps. Bravo. Tu vois, Joe, hier je rêvais d'avoir ta peau. Mais Joe, je préfère te voir. Voici le dernier titre de l'album de la semaine, l'album de la Résurrection, sorti le 19 octobre 1966, La Génération Perdue. Voici le titre, Elle reviendra. Elle reviendra, oui, oui, et peut-être bien demain. Demain, elle reviendra. Oui, oui, oui. Je l'espère. Sinon, je n'ai plus rien, plus rien. Elle reviendra. Sylvie n'a pas encore pardonné à Johnny quand il enregistre au studio Blanqui avec Blackbird le lundi 7 novembre 1966 « Si j'étais un charpentier ». « If I were a carpenter » de Tim Hardin, repris par Bobby Darin. La chanson a été écrite par Long Chris dans la Ford Mustang de l'Idole lors de leur dernière tournée commune qui coïncide avec une période de crise Johnny-Sylvie. À partir de la version de Bobby Darin, qui tourne en boucle sur le manche-disque, l'ami des bons et mauvais jours a pour mission de composer une déclaration d'amour à la demandeuse de divorce. Il y va franchement et imagine quelque chose du genre « Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Sylvie, voudrais-tu me pardonner et tout recommencer ?» Johnny fusille du regard son voisin de route et le prie de trouver autre chose. Pas question de faire figurer le prénom de sa femme dans une chanson. Et ce grand échalas de Chris de restituer à la Madone son vrai prénom et d'offrir à son ami une belle chanson biblique. Le jeudi 26 novembre, Sylvie rejoint son mari en tournée à Bâle pour des retrouvailles émouvantes et leur réconciliation rassure tous les fans. Le mercredi 7 décembre 1966, à l'approche de Noël et en pleine période folk, Si j'étais un charpentier tombe à point. Ce nouveau 45 tours est complété par trois extraits de l'album Génération perdue, On s'est trompé, Je veux te graver dans ma vie et La fille à qui je pense. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi, je l'aurais construite pour toi, seule avec mes mains. Prends l'amour que je te donne, tu dois être forte. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, ah, mes mains seraient sèches et dures, et les tiennes si fragiles. Ah, les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. Nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Il manquait bien ce titre pour terminer cette émission. Le titre « Je veux te graver dans ma vie ». Mais là, on va faire une version punchy, encore plus punchy. Celle de Bercy 1992. C'était tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter. Route, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve là. Soudainement je suis tombé, et comme ça je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très fort. Tu ne pars pas, tu restes ici, je veux seulement t'aimer très fort. Tu es né pour être à moi, et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Je veux te graver dans ma vie. J'aime partir, j'aime courir, et quand tu viens, je veux rester là. Je suis sincère, je veux mourir, si tu ne veux pas, pas tout ça. Oh, tu es né pour être à moi, et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Julie 2 à Z avec album de la semaine La Génération Perdue, sorti le 19 octobre 1966. Je remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission et bien entendu le podcast sera très vite disponible. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour assister et écouter cette émission, l'émission spéciale Johnny 1968 avec Jean-François Chenu, Jean-François Brieux, Xavier Perrault et Laurent Guénaud. Soyez au rendez-vous. Vous allez écouter des extraits en exclusivité de ce nouveau mixage de Johnny 68. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.